Notre album sort tout droit de nos sacs. Fini l'école pour moi, j'ai même pas passé le bac. Ici à Béziers, on te prend, on te tue. Marche avant, marche arrière, on te repasse à coup de voiture. Eh oui, Gadji, prépare très bien ton anus. Parce que quand je passerai la reine en bas, ce sera très rude. Reçu un courrier en accusé de réception, l'huissier passera demain pour se servir à la maison. Alors je cache tout ce qu'appartient à mon fiston en espérant qu'il le voit pas, ce putain de mec à la con. Les chansons sont hard et les jours sont beaux, mais la vie s'en fout, elle te fera pas de cadeau. Roman du 3-4, poursuit Raper, gardez la tête haute et affrontez vos peurs, putain de système qui te plaise. N'essaie pas de faire des magouilles, ils t'enfermeront avec plaisir. 15 ans ferme pour avoir mal déclaré les impôts. Je te dis que l'État est sans scrupule, quelle que soit ta couleur de peau. On est pour les gens d'en haut, des numéros de sécu. Alors à quoi ça sert les attaquer si on veut pas les débuts? Mon rap est peut-être mal, en tout cas c'est ce que je pense. Avant que je crève, j'aimerais me remplir la panse. Quelques paroles à corps pour t'expliquer la vie. Et jeune fille, viens que je te casse avec ma vie. Sponsorisé par Manix et Durex, la vie ne tient que sur un film de latex. La vie n'est qu'une maladie sexuellement transmissible. Une fois que tes parents commencent alors une frénésie infinie. C'était Chahel en direct de sa chambre et de sa tête, avec un beat de fou et des rimes qui pètent. Alors je rappe pour ma famille qui reste toujours derrière moi, et ceux du théâtre, surtout ceux qui rappent avec moi. Cette chanson sort de la gare de Montvaucert, qu'on se défonce régulièrement. Au semal à Beuer, on parle de développement durable et de la protection de la terre. Ils arrêtent pas pour autant détruire l'Amazonie au bulldozer. Moi j'ai pris des résolutions pour 2012. Je fumerai toujours bien, cracherai plus dans la rue mais dans les partouzes. Pour faire un peu de bif et faire bouffer la famille, le chauffage du tout, alors je bicrave dans ma ville. À notre époque, ce qui compte le plus c'est forcément le fric. Achète un GPS au Père Noël pour qu'il aille en Afrique. Nous la misère, c'est celle du Tchèque, car mon oublie pas que des gains, 23 ans, passe des journées sans boire. Ici comme là-bas, les jours sont difficiles, mais ceux aux poches peinent n'en ont pas pour réduire le déficit de la France. Il est tellement gros, même pas j'y pense, l'on creusait à la pelle, on se rebouche à la pelle, mais à quoi tu t'attends? On est des ouvriers, les moyens ne sont pas les mêmes que les chefs d'entreprise pendant que payent leur compte en Suisse. Bien sûr qu'il faut faire des économies, ouais c'est sûr, faut en faire pour reboucher leur connerie. Les mauvaises décisions, c'est eux qui les ont prises, on trouve un d'achat augmente, se paye des Ferrari. Quand il y a des blèmes de thunes, c'est nous qu'on paye, mais c'est pas parce qu'en 3 milliards, on pense à la nationalité belge. Bientôt, les riches seront les plus beaux quand il aura plus de fortune ici. C'est nous qu'on paiera leurs impôts. Le stéréotype des Français sont quand même balèzes. T'es algérien jusqu'à ce que tu marques des buts contre la Grèce. On a tous un but, on doit y arriver jusqu'au bout. C'est sûr que c'est pas le même si t'as le calibre dans la bouche. J'ai grandi avec la mort qui me braque. J'ai demandé de l'amour, mais c'était une arnaque. Je pose mes rimes dans ce putain de texte. J'y mets tout mon cœur, en tout cas ceux qui y restent. Mon cœur est tiraillé, tout ça à cause des films. Maintenant mon corps est dans l'embout, je suis plus méchant que mes rimes. À trop être gentil avec ces bombes à Latina, tu t'engages plus dans une relation mais vers destination finale. Je sors mon troisième son, j'espère être produit par un studio et peut-être même qui sait monter tout en haut du tableau. Pour l'instant je suis fiché au commissariat de police, un ordre doit être condamné. Ça devient la police, je porte plainte contre l'État et ses gouverneurs. Je la retirerai le jour où il y aura plus de déni de cette gueule. J'invite tout le monde à me rejoindre sur Facebook, à partager mes liens pour que tout le monde puisse lire l'eau. Ma chanson suit finie par des remerciements aux cousins, aux potos qui me suivent et à ceux qui me soutiennent. Ces quelques rimes, c'est pour vous qui restent même quand j'ai mal. Sans vous, ça ferait longtemps que je me serais tiré une balle. Marjorie et Marion, ces dernières rimes, c'est grâce à votre aide. Merci de m'avoir écouté quand j'avais beaucoup de blême.